FrenchPod.com. Je suis stressée. Pourquoi ? J'ai un entretien demain. Détends-toi, tout va bien se passer. Mais c'est en anglais ! Mince, comment on dit bon courage en anglais ?